Je vais t'en faire entendre un manifestant qui était en entrevue à RDI hier soir. Puis lui, il menace quasiment de partir le trouble à Saint-Jean. Là, ça s'en vient de Saint-Jean, by the way. Là, c'est samedi soir, là, Saint-Jean. Là, il y a une manif prévue aussi vendredi le 22. Mm-hmm. Écoute ce manifestant-là qui menace de faire du trouble. Ça vient juste prouver à quel point qu'ils ne sont pas en cohérence avec les citoyens et qu'en pensant vouloir nous encadrer, en fait, ils nous provoquent et en voulant nous brimer nos droits, ils nous radicalisent. Puis ça, il va falloir qu'ils comprennent ça dans nous. Là, avec ce qui vient de se passer ici à Québec, ils viennent carrément de mettre de l'huile sur le feu. Juste à la veille d'une grosse manifestation, ou du moins de quelques jours avant la manifestation nationale du 22, et de la Saint-Jean-Baptiste, évidemment, c'est complètement ridicule, et c'est sûr qu'ils viennent de jeter de l'huile sur le feu. Ils en prendront les responsabilités de leurs conséquences. Lui, il laisse entendre clairement que ça va, il va se passer de quoi, Saint-Jean, là? Et on a entendu des gens crier, tu ris la bombe, mais check le bain, t'as Saint-Jean. Moi, c'est des gens que j'arrêterais. Ce serait de la détention préventive vendredi, samedi, dimanche. Oui, oui. Tu sais, on nous a appris, nous autres, que les paroles, ça avait un poids, puis ça avait des conséquences. Ouais. Est-ce que c'est vrai pour tout le monde?